8h56. France Inter. François Morel, à vous. Est-ce une fatigue de fin d'année, un besoin de vacances, une envie d'exotisme ou juste une promesse tenue? Peut-être un peu tout ça, mais surtout le plaisir de laisser la parole à des enfants d'Haïti qui vivent dans un pays instable, en proie à la violence, à la corruption, à la misère. Des enfants d'Haïti nous envoient une carte postale acheminée par l'association Partage qui, dans le monde entier, vient en aide à l'enfance démunie. Une carte postale venue d'Haïti, une carte postale qui dit que s'il ne fait pas toujours beau, il pourrait un jour faire meilleur. Haïti ka vi, monde lan ka pi bon. Nous sommes fiers parce que nous avons un pays où s'envit la lune et la mer. Nous rêvons d'avoir un pays où la nourriture ne nous inquiète pas. Nous aimerions que notre pays évolue comme une fille à peine en puberté, pour que les armes dorment, pour que le changement danse. Nous sommes fiers parce que nous avons un pays qui restera toujours dans notre esprit. Nous rêvons d'avoir un pays où tout le monde pourrait vivre sans blocage. Nous aimerions avoir un pays qui ressemblerait à une pomme verte, pour que les vagues restent, pour que les oiseaux volent. Nous sommes fiers parce que nous avons un pays avec beaucoup de sites touristiques. Nous rêvons d'avoir un pays où nos décideurs ne seraient pas des bandits. Nous aimerions que notre Haïti soit plus belle que le paradis. Nous sommes fiers d'avoir un pays plus doux que le Kennep. Nous rêvons d'avoir un pays où tout le monde veut rester. Nous aimerions que notre pays combatte la misère pour que les enfants transforment la rosée en espoir. Nous sommes fiers d'avoir un pays qui n'a pas peur des problèmes. Haïti chérie, tu es un carrefour, on te traversera quand même. Nous avons un pays où l'eau du cocotier est plus douce que le sirop. Haïti mon amour. Les femmes de chez toi sont des étoiles, elles travaillent nuit et jour. Nous rêvons d'avoir un pays propre. Nous rêvons d'avoir un pays avec des hôpitaux. Nous rêvons d'avoir un pays où tout le monde serait bien traité. Un pays où les rivières et les sources ne pleurent pas à cause des ordures. Nous voulons vivre dans un pays où tout le monde s'unit. Nous rêvons un pays où la nourriture n'est pas un luxe. Nous avons envie de voir un pays sans difficulté, sans bandits, sans faim, sans méchants. C'est Haïti que nous avons, nous l'aimons, pour ses canettes, ses mangues, ses cœurs de bœuf, ses avocats et ses pommes de lait. La fraîcheur, la mer, le ciel et l'odeur d'Haïti sont des merveilles. Nous rêvons un pays où la solidarité est notre outil d'union. Nous sommes fiers pour notre drapeau et nous aimons la couleur de notre peau. L'humanité peut espérer grandir si chacun accepte d'installer l'amour dans son cœur. Haïti peut vivre, le monde peut devenir meilleur. Ça va aller. Ça va aller. Un grand merci à vous, François Morel. Et bel été et rendez-vous à la rentrée. France Inter.